Les Mamelouks de Napoléon, par Jules Chancel. Dans la plupart des gravures de l'époque, représentant Napoléon, aussi bien au milieu des pompes du sacre que sur les champs de bataille, ou même dans l'intimité de la malmaison, on distingue à ses côtés ce personnage au costume pittoresque et un peu théâtral, son Mamelouk. Ce n'est pas sans raison que cet entraîneur de foule, ce prodigieux metteur en scène que fut le grand empereur, avait tenu à maintenir constamment à ses côtés ce cavalier décoratif, dont l'aspect exotique frappait l'imagination des masses. Il trouvait à cela un double avantage. D'abord, entourer sa personne de ses gardiens fidèles, de ses fameux janissaires dont le dévouement traditionnel et fataliste réalisait l'idéal d'un garde du corps. Ensuite, il rappelait aux masses, par la présence de ce soldat à l'uniforme oriental, sa campagne d'Égypte, qui, bien qu'incomplète, avait contribué à établir sa popularité. On trouve d'ailleurs dans le mémorial de Sainte-Hélène le principe qui décida Napoléon à choisir des Mamelouks pour sa garde. « Dans tout l'Orient, écrit l'empereur, les Mamelouks étaient des objets de vénération et de terreur. C'était une milice regardée jusqu'à nous comme invincible. Le Mamelouk tenait tête à trois Français parce qu'ils étaient mieux armés, mieux montés, mieux exercés. Ils avaient deux paires de pistolets, un tromblon, une carabine, un casque avec visière, une cotte de maille, plusieurs chevaux et plusieurs hommes pour les servir. Il est donc certain que Bonaparte fut impressionné par ces soldats d'élite et qu'il songea, dès qu'il les eut appréciés, à s'en servir pour son usage personnel. Une occasion se présenta qui lui permit de réaliser son désir. Après le siège de Saint-Jean-d'Acre, beaucoup d'indigènes qui avaient secondé les Français redoutèrent la vengeance de César Pacha et suivirent nos troupes dans leur retraite en Égypte, sollicitant un emploi dans leur rang. Bonaparte s'empressa d'accepter cette requête et il forma de ses transfuges de compagnie qui fut recrutée parmi les meilleurs cavaliers. Par décret du premier Messidor en 8, elles prirent le nom de compagnie de janissaires à cheval et furent commandés par des officiers indigènes, choisis avec soin, de façon à former des interprètes. Cette première tentative d'armée coloniale, décidément cet homme avait tout inventé, cette tentative, disons-nous, ne fut pas négligée sous la Restauration, puisque, en 1830, lorsque les ministres de Louis-Philippe entreprirent la conquête de l'Algérie, ils choisirent trois des anciens officiers nommés par Bonaparte pour les adjoindre au maréchal Clausel. Quand l'armée d'Égypte rentra en France, les janissaires demandèrent à la suivre, eux et leur famille. De nouveau Bonaparte, qui avait toujours des vues sur cette troupe, accepta, mais il laissa tout ce monde à Marseille. Dès qu'il fut premier consul, il songea à ses Turcs, comme il les appelait dans l'intimité, et jugea le moment venu de créer sa fameuse garde. Il envoya le général Rapp à Marseille pour la recruter et en prendre le commandement. Le 13 octobre 1801, paraissait le décret portant création d'un escadron de janissaires de 240 hommes, réduit ensuite à 150. Ce décret fixait leur solde, 1500 livres par an, leur garnison, Melun, et stipulait même qu'en récompense de leur fidélité, les janissaires porteraient le caouk, la veste bleue de ciel, taillée à l'oriental avec olives, galons et passementerie, le pantalon rouge extrêmement large et les bottes jaunes. Cet escadron, dont tous les officiers sauf le commandant étaient indigènes, fut placé sous la haute direction du colonel des chasseurs de la garde et rattaché à ce régiment qu'il suivit dans toutes ses campagnes. En 1814, un certain nombre de fidèles demandèrent à suivre l'empereur à Sainte-Hélène, et les autres finirent misérablement ou furent recueillis par Charles X, qui accorda de l'avancement et des croix à ceux d'entre eux qui n'avaient pas trop ouvertement affiché leurs sentiments pour Napoléon. Sans insister davantage sur l'escadron des Mamelouks, nous allons présenter maintenant celui qui fut le plus représentatif de toute cette troupe, le fameux Roustam, qui resta au service particulier de l'empereur de 1798 à 1814, figura sur toutes les gravures, et fut enfin l'homme du monde qui vécut dans l'intimité la plus grande, matériellement du moins, avec Napoléon. Ce fut le cheikh El-Belkri qui, en Égypte, lui fit cadeau de Roustam, et celui-ci raconte ainsi dans ses mémoires, car il a laissé des mémoires, son entrevue avec le grand homme. Monsieur Elias m'amena chez le général qui me reçut dans son salon. La première chose qu'il me fait est de me tirer les oreilles. Puis il me demanda si je sais monter à cheval. Je lui dis oui. Il me demande si je sais donner des coups de sabre. Je lui dis oui, et même que j'ai sabré plusieurs fois les Arabes, et je lui montre la blessure que j'ai reçue sur ma main. Il me dit « C'est très bien. Comment t'appelles-tu » Je lui dis « Roustam, en géorgien. » « Bon, » fait-il, « tu t'appelleras Roustam. » Puis il disparaît dans la chambre et revient en m'apportant un sabre orné sur la poignée de 6 gros diamants et une paire de pistolets garnis en or. « Tiens, voilà pour toi, » me dit-il, en me les donnant. « J'aurai l'œil sur toi. » Puis il me fait entrer dans sa chambre remplie de papiers et me fait emporter tout dans son cabinet. J'ai servi son dîner le même jour à 8 heures du soir. Après le dîner, il demanda sa voiture pour les promener aux alentours de la ville et fit appeler M. Lavigne, son piqueur, pour me faire donner un bon cheval arabe et une belle selle turque, et nous avons été promenés que j'étais placé à côté de sa portière. Le soir même, il me dit « Voilà ma chambre à coucher. Je veux que tu couches à ma porte et tu laisseras entrer personne. Je compte sur toi. » Je lui répondis « Je me trouve heureux d'avoir sa confiance et je mourrai plutôt que de quitter mon poste et de laisser entrer du monde dans sa chambre. » Depuis cette entrevue, Roustam ne quitta plus l'empereur ni jour ni nuit. Il le suivra dans toutes ses campagnes à Lobau, à Tilsit, à Austerlitz et reviendra de Russie dans la voiture de Napoléon parce qu'il avait eu le visage gelé. La voix publique rapporte qu'il n'est pas de grand homme pour son valet de chambre, indiquant ainsi que ces modestes témoins de la vie d'un puissant personnage sont les meilleurs historiens, car on se montre à eux tel que l'on est. Voyons donc la façon dont Roustam nous dépeint Napoléon dans ses mémoires. Certes, ils sont naïfs, ces mémoires, ils sont écrits dans un style enfantin, sans ordre, mais ce sont ses défauts qui constituent justement leur valeur, car il s'en dégage un parfum de sincérité. Nous y voyons réellement le grand homme en robe de chambre, nous le voyons dans son bain, couché avec son épouse, on nous énumère le nombre de ses bas ou de ses chemises, et tous ces menus détails que nous fait connaître son valet à turban sont bien ceux que l'on attendait d'un homme de sa profession. Il n'essaye pas d'interpréter des idées ou des projets de son maître, il constate simplement, et c'est touchant. Voyons par exemple son récit du 18 Brumaire. Il paraît que mon général a été à Saint-Cloud pour chasser les directeurs qui ne sont pas bons. Il y en a un qui a voulu lui donner un coup de poignard, mais 2 grenadiers ont paré le coup. Madame Bonaparte leur a donné à chacun une bague de diamants. Un mois après, nous avons été habiter le palais du Luxembourg, car la rue Chantelaine était devenue trop petite depuis qu'il s'était fait nommer consul. Et puis, quelques pages plus loin, nous avons été prendre résidence à Saint-Cloud parce qu'il s'est fait nommer empereur, ce qui est un grand fait pour tout le monde. On comprend l'admiration du mamelouk pour un maître qui se faisait nommer ainsi tout ce qu'il voulait. De plus, la situation est bonne pour Roustam. Il a comme principale attribution de surveiller les armes et les lorgnettes du souverain. Pendant 3 ans, il ne touche pas d'appointement et ne demande rien, ce qui n'est déjà pas si bête puisqu'un jour l'empereur l'interpelle. « Es-tu riche, Roustam ?»« Sire, je n'ai pas le sou, » répond le malin oriental. « J'avais un châle de cachemire que j'ai vendu pour acheter du tabac, mais je suis heureux parce que je suis auprès de vous. » À cette réponse si habile, Napoléon s'émeut. Il fait appeler le grand maître du palais, Gaulincourt, et le gourmande sévèrement parce qu'il a oublié son mamelouk sur les états de paiement. Séance tenante, il donne l'ordre qu'on l'inscrive pour des appointements de 2000 livres par an. Ce n'est pas suffisant, il le fait nommer porte-arquebuse, ce qui entraîne un traitement de 2400 francs, et aussitôt, voilà les gratifications qui pleuvent sur Roustam. On note dans la comptabilité du palais 3000 francs pour le mamelouk en l'an 13, 6000 francs après Austerlitz, une inscription de 900 livres de rente à Fontainebleau, un bureau de loterie et toutes les sommes gagnées au jeu qui lui repassaient sans cesse. Cet heureux service était comblé, et pas d'argent seulement. Il a un accident de cheval. Le premier consul et Joséphine le soignent, viennent le voir chaque jour. La reine Hortense fait son portrait et lui chante des romances pour qu'il ne s'endorme pas pendant la pause. On constate par ces détails combien Napoléon au milieu des plus graves préoccupations, se montra toujours soucieux de l'intérêt de ses serviteurs, s'occupant même de leurs affaires intimes. Il s'aperçoit que Roustam ne porte pas le sabre qu'il lui avait donné. « Qu'en as-tu fait ?» lui demanda-t-il. Après quelques hésitations, le mamelouk finit par avouer que le général Berthier le lui a emprunté et ne le lui a jamais rendu. L'empereur s'occupe de la restitution. Il veut que Roustam envoie à sa mère son portrait peint par Isabelle. Quand, en 1806, le mamelouk manifeste son désir de se marier avec la fille de Douville, valet de chambre de Joséphine, Napoléon facilite ce mariage, signe au contrat et paye les frais de la noce, 1341 francs. Nous retrouverons encore Napoléon intime quand Roustam nous raconte, par exemple, le chagrin si profond de cet homme, en apparence indifférent, devant le corps de l'âne blessé. Nous admirons la bravoure tranquille du grand chef au combat. À Ulm, relate Roustam, l'empereur était au milieu des balles et de la mitraille. Il se trouvait dans le plus grand danger. Le roi de Naples et le prince Berthier viennent prendre la bride de son cheval pour le faire éloigner du danger en lui disant « Sire, ce n'est pas la place de votre majesté. »« Laissez-moi tranquille, » répond Napoléon. « Ma place est partout. Allez faire votre devoir, Murat. » Une autre fois, l'empereur s'aperçoit qu'il est le point de mire des balles ennemies et constate que c'est le costume si voyant de son compagnon qui attire sur eux cet orage. Alors il ordonne avec calme « Dorénavant, Roustam, tu porteras en campagne un turban de mousseline marron. » Il pensait à tout, l'homme universel, les moindres détails étaient par lui étudiés et prévus. C'était, après Tilsit, « En habillant sa majesté, notre Roustam, je m'aperçois que sa croix de la Légion n'était pas bien attachée à son habit. Je veux l'attacher, mais il me dit « Laisse, c'est exprès. » Après ça, nous montons à cheval pour aller faire une visite à l'empereur de Russie. L'empereur des Français lui dit « Sire, je demande l'agrément de votre majesté de présenter ma croix à un de vos premiers grenadiers. Sire, il sera trop heureux. » On fait avancer le plus vieux, et Napoléon lui donna sa croix qui était mal attachée. Veut-on maintenant le récit d'une délicieuse petite scène intime, une petite scène de ménage qui était digne d'inspirer un peintre. On était à la malmaison. Roustam entend soudain son maître qui lui demande une carabine pour tirer des fenêtres sur les signes de la pièce d'eau. Naturellement, Joséphine proteste contre ce désir cruel. Elle implore pour ses beaux oiseaux blancs et l'infortuné mamelouk reste interdit, ne sachant plus auquel des deux époux il doit obéir. Bonaparte, qui s'amusait follement de cet embarras, termina la scène en lui fourrant dans les mains 25 louis qu'il venait de gagner au jeu. Comment ce misérable valet, après avoir été ainsi traité par son maître, après avoir reçu de lui de si appréciables bienfaits, l'a-t-il si lâchement abandonné? Comment a-t-il si piteusement terminé sa carrière en refusant d'accompagner Napoléon à l'île d'Elbe? Comment cet homme économe, qui avait dû certainement s'enrichir, a-t-il poussé la bassesse jusqu'à aller, pour de l'argent, s'exhiber à Londres, sur les planches d'un music-hall, dans ce superbe habit du sacre, payé 10 000 francs par son bienfaiteur? Il essaie bien dans ses mémoires d'expliquer ses turpitudes, le malheureux, mais ses explications sont embarrassées, lamentables. Il n'est pas parti pour Sainte-Hélène ni pour l'île d'Elbe parce qu'il a raté le départ. Il voulait rejoindre son maître à Fréjus, mais il n'avait pas pu trouver de chaux pour faire le voyage. Quant à ses exhibitions de Londres, il fallait vivre. Pitoyable défaite que tout cela. En réalité, Roustam, qui aurait dû être le symbole de la fidélité, fut un traître. Il fut de ces hommes à l'âme basse et vile qui lâchèrent honteusement celui qui ne pouvait plus leur être utile. Tel fut d'ailleurs l'avis de Napoléon, puisque le misérable, ayant osé aux 100 jours faire passer une supplique à l'empereur pour reprendre sa place auprès de lui, le souverain froissa le papier avec dédain en disant « Qu'on ne me parle plus de cet homme, c'est un lâche !» Mais le lâche avait su mettre de l'argent de côté. Il avait menacé le payeur de la garde de le dénoncer si celui-ci ne lui payait pas sa solde qu'il avait irrégulièrement conservée. Bref, à force de rançonner tout le monde, il avait amassé une petite fortune. Aussi, à la Restauration, put-il se retirer tranquillement à Dourdan, pays de sa femme, où il vécut en bon bourgeois. Ainsi mourut, bien prosaïquement, à 64 ans, cet homme symbolique, qui bien qu'ayant parcouru le monde en costume éblouissant aux côtés du grand empereur, était resté un valet, un mercantil oriental, âpre aux gains, couard et ingrat. Jules Chancel.